Le manoir de Lutzen par Alfred Séguin. Chapitre 1er. Le voyageur qui parcourt vers la fin d'une belle journée les pittoresques environs de Forbach dans la forêt noire peut encore admirer les ruines d'anciens bourgs féodaux se détachant, comme des silhouettes bizarrement découpées, sur un horizon embrasé par les feux du soleil couchant. À l'époque où nous remontons, c'est-à-dire vers les premières années du XIXe siècle, un de ces antiques manoirs, celui de Lutzen, donnait asile au comte William et à sa sœur Marguerite, orphelins unis par la plus tendre et la plus sainte amitié. Marguerite offrait le type des qualités précieuses que nous nous plaisons à rêver chez les personnes destinées à vivre avec nous. Délicate et mignonne, d'un enjouement communicatif et d'une bonté d'ange, elle était adorée. William, non moins aimable, ne présentait pourtant pas cet ensemble de forces physiques et d'humeur cavalière qui répond à l'idée qu'on se fait d'un gentilhomme. En revanche, on eût cherché longtemps avant de rencontrer un cœur plus ardemment épris de la grandeur morale, noble passion qui distingue l'homme de bien. Fanatique des ouvrages destinés à se revivre aux égarements comme aux caprices de l'esprit humain, William partageait entre les lectures et l'étude des sciences naturelles à peu près tout son temps. Sans même y songer, le frère de Marguerite était un savant. La débilité de son corps, la poésie de son âme, trouvaient un charme infini dans des occupations qui étaient pour lui la source d'un calme préférable aux enivrements d'une vie moins sédentaire. Le caractère de William, ses goûts, sa santé, faisaient supposer qu'il ne se marierait pas, et Marguerite, influencée par l'exemple de cette vie uniforme et douce, bien que certaines impressions d'enfance ne se fussent pas effacées de sa mémoire, n'osait demander à l'avenir que la continuation des paisibles années qu'elle passait près de son frère. Un jour, la nouvelle se répandit que le chevalier Sigismond de Lutzen, leur oncle paternel, venait de mourir en France et que son fils, leur cousin, était menacé de la plus horrible détresse. « Pauvre Hermann, soupira William. « Le compagnon de notre enfance, ajouta Marguerite, l'homme qui a partagé avec nous la tendresse et les soins de notre mère, serait condamné à subir une pareille infortune quand le superflu même nous est assuré. Ah, mon frère, oublions ses torts et réparons ceux de la destinée envers lui. »